Michael Garmendia-Gorov, justement, lorsqu'on parle de la présence russe du côté de l'Afrique, de plus en plus, on cite des entreprises ou encore des multinationales telles que Wagner. D'ailleurs, vous savez, c'est très cité, hein, surtout dans le cas centrafricain. Alors, beaucoup estiment également que ce sont des entreprises qui peuvent également jouer ou alors qui jouent le rôle de certaines succursales françaises telles que Bolloré, Total ou encore Areva, justement du côté de l'Afrique. Du coup, des agents du gouvernement russe. Alors, est-ce que il y a, lorsqu'on fait cette comparaison, vous comprenez exactement ce qu'on veut dire par là, puisqu'on parle souvent de Total, de Bolloré, on parle d'Areva dans le cadre de l'exploitation de certaines ressources en Afrique. Alors, est-ce que nous sommes dans le même cas de figure avec la Russie? Non, Manuela, on ne peut pas dire que nous soyons d'une quelconque façon dans le même cas de figure. Et aujourd'hui, de toute façon, plusieurs éléments ont été déjà dit à ce sujet. C'est-à-dire que, vous savez, pour comprendre la relation russo-africaine, il faut effectivement se référer à l'histoire. L'histoire ne ment pas. Évidemment, on vit dans le présent, mais parfois, pour comprendre certains processus actuels que nous sommes en train d'observer et entrevoir les perspectives du futur, il faut comprendre aussi le passé. La Russie, effectivement, n'a non seulement pas de passé colonial, mais au contraire, effectivement, cela a été dit. D'ailleurs, il y a quelques années de cela, j'avais fait un article à ce sujet assez détaillé sur le fait que, effectivement, le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé au cours de son histoire, même s'il y a eu tentative, par l'Italie notamment, c'est l'État éthiopien. Et ça, c'était à l'époque, c'était bien avant l'Union soviétique, à l'époque tsariste, à l'époque monarchique de l'histoire russe. Vous comprenez? Et effectivement, si on commence à creuser plus loin, on va aller jusqu'à Abraham Hannibal, qui était un prince africain qui s'est fait esclave et qui s'est retrouvé emprisonné par les Ottomans et qui finalement a été invité, qui est venu à la cour impériale de Russie et qui est devenu non seulement quelqu'un d'important, il a obtenu le titre aristocratique russe. Il est devenu un général de l'armée impériale russe. Plus que cela, il est devenu le bras droit de l'un des plus grands dirigeants de l'époque impériale russe, à savoir Pierre Ier, Pierre le Grand. Vous comprenez, c'était quelqu'un en qui il avait une énorme confiance. Donc, à une époque où les Européens ne considéraient même pas les Africains comme des êtres humains, excusez-moi de le rappeler, mais c'est comme ça que c'était fait par les pays occidentaux, à l'époque de la traite esclavagiste, de l'esclavage, de l'occupation et de l'exploitation, en Russie, notre empereur, enfin l'empereur de la Russie, avait une toute autre définition de l'humanité. Et effectivement, l'un des arrière-arrière-petits-fils de ce prince africain devenu aristocrate et général russe n'est autre que Alexandre Pouchkine. Et en russe, on dit Pouchkine nache vsyo, ce qui se traduit en français Pouchkine est notre tout, tellement il est symbolique de notre mentalité, de notre culture russe, tellement il la représente bien. C'est l'un des plus grands poètes et représentant de la culture russe, de la civilisation russe. Et il a du sang africain en lui. OK, maintenant, on peut passer effectivement un peu plus loin. On arrive à la période soviétique. Donc, non seulement l'Union soviétique a soutenu activement la décolonisation, mais a activement soutenu les processus qui se sont ensuivis en aidant les pays africains qui venaient de se libérer du colonialisme et en contribuant activement à la lutte et les mouvements de libération nationale qui continuaient de se battre. Parce qu'il faut bien le rappeler, si l'Afrique francophone a reçu, entre guillemets, parce qu'il faut bien dire entre guillemets, son indépendance dans les années 1960, certains pays ont dû attendre jusqu'en 1975, notamment les colonies portugaises africaines, l'Angola, le Mozambique. En Angola, on sait parfaitement comment ce pays a d'ailleurs souffert de cela, parce que d'abord, il y a eu une longue lutte contre le colon portugais, puis, juste après, une nouvelle guerre commence. On l'appelle la guerre civile angolaise, alors qu'en fait, c'était tout simplement une guerre impérialiste, parce que Washington, allié du régime raciste de l'apartheid de l'époque sud-africain, voulait à tout prix empêcher Luanda de devenir un pouvoir pro-soviétique, d'avoir un autre pays africain qui soit pro-soviétique. Donc, ils lui ont imposé une guerre de très longue durée. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'avec le soutien stratégique et décisif de l'Union soviétique et de Cuba, il faut bien rappeler Cuba, parce que aussi, il y a eu énormément de sacrifices qui ont été faits par le peuple cubain en faveur de l'Angola pour sa liberté et son indépendance. Aujourd'hui, regardez l'Angola. Vous connaissez beaucoup d'Angolais qui immigrent ou qui rêvent d'immigrer en Europe? Moi, j'en connais pas beaucoup. Il y a des étudiants angolais qui partent effectivement étudier à l'étranger, mais il n'y a pas une émigration de masse. Plus que ça, aujourd'hui, et depuis les dernières années, c'est des citoyens portugais qui, par centaines de milliers, immigrent en Angola, qui font la queue à Lisbonne pour avoir le visa angolais. Beaucoup d'entre eux, et on parle de milliers chaque année, sont reconduits à la frontière parce que souvent leurs visas sont expirés, mais ils ne veulent pas rentrer au Portugal et continuer de travailler dans le noir, si on peut dire ainsi, enfin dans l'illégalité, et ils sont reconduits par les autorités angolaises. Et plus généralement, l'Angola a investi dans son ancienne métropole coloniale. Quelle belle revanche sur le colonialisme! Vous comprenez? Voilà un exemple d'un pays qui a été soutenu, au prix évidemment de sacrifices, mais qui a été soutenu par mon pays, la Russie, à l'époque l'Union soviétique, sachant que l'Union soviétique, c'est le pays où je suis né. Donc non, je pense qu'il faut mettre un terme à cette discussion de dire que, voilà, parce qu'on peut en donner encore beaucoup d'autres exemples. Mais je ne peux pas évidemment être d'accord avec ceux qui disent en quoi la Russie serait différente. La Russie a déjà montré à beaucoup de fois, aussi bien dans l'histoire lointaine, moyennement lointaine et actuelle, que c'est un partenaire honnête, sincère. Oui, la Russie a aussi ses intérêts, c'est tout à fait évident. La Russie aujourd'hui a des intérêts géopolitiques avec l'Afrique, elle ne le cache pas. Il y a aussi des projets économiques que la Russie souhaite agrandir, rendre plus important dans le cadre de son interaction avec ses différents partenaires et alliés africains, mais cela se fait dans le strict respect de la souveraineté de ses États, et les pays qui ne souhaiteront pas cette présence russe, la Russie ne va jamais les forcer à l'accepter. Aujourd'hui, en Centrafrique, parce que c'est aujourd'hui l'un de ces grands exemples de l'interaction, de cette nouvelle interaction contemporaine russo-africaine, la Russie a été invitée officiellement par le professeur Faustin Archange Touadéra, qui voulait effectivement apporter la paix, la stabilité et le développement pour son pays. Et je pense qu'il a beaucoup réussi en ce sens et là, au cours de ces dernières années, même s'il y a toujours encore beaucoup de travail à faire, parce que la Centrafrique, elle aussi, revient de très loin. Après toutes ces années, des années de chaos, d'instabilité, d'insécurité, elle revient de loin. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Après des années, alors que les forces françaises étaient stationnées, la MINUSCA aussi, au cours de toutes ces années, par milliers de personnes, et les deux tiers du territoire qui restaient sous contrôle des bandits de grand chemin, il a suffi que quelques centaines d'instructeurs russes assistent, forment et restructurent, contribuent à restructurer l'armée gouvernementale, les FAKA, et en l'espace de quelques semaines et de quelques mois, pratiquement tout le territoire est sous contrôle gouvernemental. Ce n'est pas un résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait que la popularité de la Russie est en train d'aller bien au-delà des frontières centrafricaines, on le voit notamment dans la mobilisation de la société civile au Mali, elle est due justement à cette réalité, parce que les gens aujourd'hui en Afrique, une grande partie, savent parfaitement analyser et faire les bonnes conclusions. Et je pense que la popularité de la Russie est due justement à cette action honnête et sincère vis-à-vis de ses intérêts, quels qu'ils soient, et notamment vis-à-vis de ses partenaires et alliés africains. Et je pense que c'est cela la réponse à donner à tous ceux qui continuent de douter, et bien souvent étant manipulés par la propagande occidentale russophobe qui veut ternir l'image de la Russie en Afrique, et ça ne marche pas très bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.